Chapitre 3e. Madame Bastien, son fils et le docteur Dufour, après avoir traversé une superbe forêt, arrivèrent au château de Pontbriand par une large avenue d'une demi-lieue de long, bordée de deux contre-allées gazonnées et plantées comme l'avenue principale, d'ormes gigantesques, vieux peut-être de 4 siècles. Une vaste esplanade, ornée d'énormes orangers en caisse, entourée de balustrades de pierre, et surélevée en terrasse, d'où l'on embrassait un immense horizon, servait de cour d'honneur au château. Ce chef-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance, aux tourelles sculptées à jour, aux coupoles dentelées, aux dômes à flèches élancées, aux colonnades mauresques, rappelait l'ensemble grandiose et féerique du château de Chambord. Frédéric et sa mère n'avaient jamais vu qu'à une distance d'une lieue et demie cette masse imposante de bâtiments. Tous deux s'arrêtèrent un moment au milieu de l'esplanade, frappés d'admiration, en embrassant d'un coup d'œil ces merveilleux détails, ces innombrables broderies de pierre dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Le bon docteur, aussi triomphant que si le château lui eût appartenu, se frottait joyeusement les mains, s'écriant avec suffisance « Ce n'est rien encore. Ce ne sont là que les bagatelles de la porte. Que sera-ce donc lorsque vous aurez pénétré dans l'intérieur de ce palais enchanté ?»« Mon Dieu, mère, » disait Frédéric, « vois donc cette colonnade à ogive à côté du grand dôme, comme c'est léger, aérien. »« Et là-bas, ces balcons de pierre, » reprenait la jeune femme, « on dirait de la dentelle. Et les sculptures des croisées du premier étage, quelle délicatesse, quelle richesse de détails. »« Je déclare, » dit le docteur avec une gravité comique, « que nous ne serons pas sortis du château avant demain si nous perdons tant de temps à admirer les murailles. »« Monsieur Dufour a raison, » dit Marie en reprenant le bras de son fils. « Allons, viens. » Et ces bâtiments, qui ont l'air d'un autre château relié au premier par des ailes circulaires, demanda l'adolescent au médecin, « qu'est-ce donc, monsieur Dufour ?»« Ce sont les écuries et les communs, mon garçon. »« Des écuries ?» dit madame Bastien. « C'est impossible, vous vous méprenez, mon cher docteur. »« Comment ? Vous n'avez pas plus de foi que cela dans votre cicérone ?» s'écria le docteur. « Apprenez, madame, que je ne me trompe pas. Ce sont si bien des écuries. » Que lorsque le maréchal de Pontbriand, le trisaïeul ou le quadrisaïeul du jeune marquis actuel, habitait le château, il faisait venir un régiment de cavalerie qu'il logeait tout entier à ses frais, bêtes et gens, dans les écuries et au commun du château, le tout pour se donner le plaisir de faire manœuvrer tous les matins, avant son déjeuner, cette cavalerie sur l'esplanade que vous voyez. Et il paraît que ça lui ouvrait l'appétit à ce digne seigneur. C'était une fantaisie digne d'un grand capitaine comme lui, dit Marie. « Car tu te souviens, Frédéric, avec quel intérêt nous lisions cet hiver ces campagnes d'Italie ?»« Si je me le rappelle, je le crois bien, » dit Frédéric. « Après Charles XII, le maréchal de Pontbriand est mon héros favori. » En devisant ainsi, les trois visiteurs avaient traversé l'esplanade. Madame Bastien, voyant M. Dufour obliqué à droite au lieu de se diriger vers la façade du château, lui dit « Mais, docteur, on doit entrer, ce me semble, dans la cour intérieure par cette porte monumentale. » « Certainement. Les maîtres du château entrent par là. Mais de pauvres diables comme nous, qui n'ont que la protection de monsieur le chef des cultures, sont bien heureux de passer par une petite porte des communs, » répondit en riant le docteur. « Il ferait beau voir que monsieur le Suisse donne la peine d'ouvrir pour nous, plébéiens indignes, cette grille armoriée. » « Je vous demande pardon de mon ambitieuse prétention, » dit gaiement madame Bastien au docteur, tandis que Frédéric, faisant de loin un salut comique du côté de la grille, disait en riant « Madame la grille armoriée, nous reconnaissons très humblement que vous n'êtes pas faite pour nous. » Monsieur Dufour, ayant sonné à une porte des communs, demanda à parler à Monsieur Dutilleul, le chef des cultures du château. Le docteur fut introduit et il donna son bras à madame Bastien. Il fallait, pour arriver à la demeure de Monsieur Dutilleul, traverser une partie des cours des écuries. Une trentaine de chevaux de selle, de chasse ou d'attelage, appartenant au jeune marquis, étaient arrivés la veille avec ses équipages. Un grand nombre de palefreniers anglais allaient et venaient, ceux-là entrant et sortant des écuries, ceux-ci lavant des voitures armoriées, d'autres donnant à l'acier des morts et des étriers le lustre et le poli de l'argent bruni, le tout sous la surveillance attentive de monsieur le chef des écuries, anglais d'un âge mûr, ayant la tournure d'un parfait gentleman, et qui, le cigare aux lèvres, le stick à la main, présidait à ses travaux avec un flegme tout britannique. Parfois aussi, dans les bâtiments voisins, on entendait les formidables aboiements d'une meute considérable. Plus loin, en passant auprès d'une sorte de galerie souterraine qui conduisait aux cuisines, les visiteurs aperçurent 8 ou 10 cuisiniers et marmitons occupés à décharger 2 grands fourgons remplis d'ustensiles de cuivre qu'on aurait dit destinés à la bouche de Gargantua. Soudain, le docteur s'écria, en indiquant du geste une grande porte qui venait de rouler sur ses gonds. « Comment ? Encore des chevaux qui arrivent ? C'est un véritable régiment. On nous dirait revenu au temps du maréchal de Pontbriand. Voyez donc, ma chère madame Bastien. » En effet, 25 chevaux d'âge et de taille différents, complètement cachés sous des camails et des couvertures aux couleurs et aux armes du marquis, les uns montés, les autres tenus en main, commencèrent de défiler sous la voûte. Leurs housses et leurs genouillères poudreuses annonçaient qu'ils venaient de faire une longue route. Une calèche attelée terminait la marche. Un jeune homme, d'une tournure élégante, en descendit et donna quelques ordres, en anglais, à l'un des conducteurs de chevaux qui l'écouta chapeau bas. « Mon ami, dit le docteur à un domestique qui passait, ces chevaux qui viennent d'arriver sont encore à monsieur le marquis ? Oui, ce sont les chevaux de course, les poulinières et les élèves de monsieur le marquis, car il va établir ici un haras. Et ce monsieur qui vient de descendre de calèche, c'est monsieur John Newman, l'entraîneur de monsieur le marquis. » Et le domestique passa. Madame Bastien, son fils et le docteur, qui n'avaient pas idée d'un si nombreux service, regardaient avec ébahissement cette incroyable quantité de domestiques de toutes sortes. « Eh bien, madame Bastien, dit en riant monsieur Dufour, si l'on apprenait à ce jeune marquis que vous, comme moi et comme tant d'autres, nous avons une ou deux pauvres vieilles servantes, pour tout domestique, et que nous sommes encore passablement servis, il nous rirait au nez. « Mon Dieu, quel luxe !» reprit Marie. « J'en suis étourdi. C'est un monde que ce château, et puis que de chevaux. J'espère qu'ici tu ne manquerais pas de modèle, Frédéric, toi qui aimes tant à dessiner les chevaux, que tu as fait jusqu'au vénérable portrait de notre pauvre vieux cheval de charrette. « Ma foi, mère, répondit Frédéric, je croyais que personne, sauf le roi, peut-être, n'était assez riche pour avoir un si grand nombre de domestiques et de chevaux. Mon Dieu, que de choses, que de bêtes, que de gens, affectés au service ou au plaisir d'une seule personne. » Ces derniers mots furent prononcés par Frédéric avec un imperceptible accent d'ironie, dont madame Bastien ne s'aperçut pas, émerveillée, et il faut le dire, très amusée qu'elle était par la vue d'un spectacle si nouveau pour elle. Aussi ne remarqua-t-elle pas non plus qu'à 2 ou 3 reprises, les traits de son fils se contractèrent légèrement sous une impression pénible. En effet, Frédéric, sans être fort observateur, avait été frappé de quelques manques d'égard auxquels le docteur et sa mère avaient été exposés, au milieu de cette foule de domestiques bruyants et occupés. Quelques-uns avaient, en passant, coudoyé les visiteurs. D'autres leur avaient grossièrement coupé le passage. Plusieurs, enfin, surpris de la rare beauté de Marie Bastien, l'avaient regardée avec une curiosité hardie, presque familière, incident auquel la jeune femme était d'ailleurs restée complètement indifférente, par distraction ou par dignité. Il n'en fut pas ainsi de son fils. Blessé dans sa délicate et tendre vénération filiale par les procédés des gens du jeune marquis, il comprit bientôt que sa mère, le docteur et lui recevaient un tel accueil de par le fait seul de leur entrée au château par la porte des subalternes, en se recommandant d'un des principaux domestiques. Frédéric sentit seulement dès lors son admiration naïve pour tout ce luxe se nuancer d'une légère amertume. Amertume qui avait amené son observation ironique sur le nombre de gens et de chevaux affectés au plaisir au service d'une seule personne. Mais bientôt, la mobilité d'impression naturelle à son âge, la vue des magnifiques jardins qu'il eut à traverser pour accompagner sa mère et le docteur jusqu'aux serres chaudes, apportèrent à l'adolescent, sinon l'oubli, du moins la distraction de ses premiers sentiments. Le personnel des jardiniers de Pontbriand était non moins considérable que celui des autres services. Après s'être informé auprès de plusieurs des subordonnés de monsieur le chef des cultures, qu'il n'avait pas rencontré chez lui, où se trouvait alors cet important personnage, le docteur et ses amis rejoignirent monsieur Dutilleul dans la serre chaude principale. Cette immense rotonde vitrée à toit conique avait 200 pieds de diamètre sur 40 de hauteur à son point le plus culminant. Cette serre gigantesque, construite en fer avec une hardiesse, une légèreté admirable, était plantée des plus beaux végétaux exotiques. Ici, c'était des bananiers de toute taille et de toute variété, depuis les musanins chargés de fruits, jusqu'à des paradisacas qui s'élevaient à 30 pieds et dont les feuilles avaient plus de 3 mètres de longueur. Plus loin, les verts éventails des dattiers et des lataniers se mêlaient aux tiges élancées des cannes à sucre et des bambous, tandis que dans l'eau limpide d'un bassin de marbre, situé au milieu de la serre, se réfléchissaient les plus belles plantes aquatiques, arômes de l'Inde aux feuilles énormes et rondes comme des boucliers, cypérus aux ondoyants panaches, lotus du Nil aux grandes fleurs bleues d'azur dont le parfum est si enivrant. C'était un merveilleux mélange de végétation de toute forme, de toute grandeur, de toute nuance, depuis le vert pâle et marbré des bégonias jusqu'aux rayures tour à tour tendres et foncées des marantas, feuilles admirables, velours vert en dessus, satin pourpré en dessous. Ici, les grands ficus noirâtres et charnus contrastaient avec les fougères du Cap, aux feuillages si délicats, aux rameaux si déliés, que l'on dirait des brins de soie violettes supportant une dentelle verte. Là, le strelitzia, dont la fleur ressemble à un oiseau aux ailes d'orange et à l'aigrette bleu lapis, luttait de richesse et d'éclat avec l'astrapea, à l'énorme pompon cerise piqueté de jaune d'or. Enfin, dans quelques endroits, les immenses feuilles des bananiers, formant une voûte de verdure naturelle aux souples et transparents arceaux, cachaient si complètement le vitrage de la rotonde que l'on aurait pu se croire transporté sur la terre tropicale. À l'aspect de cette merveilleuse végétation, Marie-Bastien et Frédéric échangeaient à chaque instant des exclamations de surprise et d'admiration. « Dit Frédéric, quel bonheur de voir, de toucher enfin ces bananiers, ces dattiers, dont nous avons lu tant de fois la description dans les livres des voyageurs !» s'écriait Marie. « Mère, mère !» disait à son tour Frédéric, en montrant à Madame Bastien un arbuste aux feuilles dentelées et d'un vert d'émeraude. « Voici le cafier, et là, cette plante aux feuilles si épaisses qui grimpe le long de cette colonne, c'est la vanille. » Frédéric, vois donc ces immenses feuilles de latanier. Comme l'on comprend bien que dans l'Inde, 5 à 6 feuilles suffisent pour couvrir une cabane. Mère, regarde donc. Voilà ces jolies grenadilles dont parle le capitaine Cook. Je les ai tout de suite reconnues à leurs fleurs. On dirait de petites corbeilles de porcelaine à jour. Et nous qui accusions ce pauvre capitaine de s'amuser à inventer des fleurs impossibles. Mon Dieu, monsieur, dit Marie-Bastien au chef des cultures. Monsieur de Pontbriand, lorsqu'il est ici, ne doit pas quitter ce jardin enchanté. Monsieur le marquis est comme feu monsieur le marquis son père, répondit le jardinier en soupirant. Il n'est pas amateur, il préfère le chenil et l'écurie. Madame Bastien et son fils se regardèrent stupéfaits. Mais alors, monsieur, reprit ingénument la jeune femme, pourquoi donc avoir ces magnifiques serres? Parce qu'il n'y a pas de véritable château sans serres chaudes, madame, répondit fièrement monsieur le chef des cultures. C'est un luxe qu'un véritable grand seigneur se doit à soi-même. Ce que c'est pourtant que le respect humain, dit tout bas Marie à son fils avec un sourire doucement railleur. Tu vois, Frédéric, la dignité de soi-même vous oblige à posséder ces merveilles. Puis elle ajouta à l'oreille de son fils. Dis donc, mon ange, dans l'hiver, quand les jours sont si courts et qu'il neige, quelles heures délicieuses l'on passerait ici à narguer les frimas. Il fallut que le docteur vînt arracher la jeune mère et son fils à leur admiration inassouvie. « Ma chère Madame Bastien, nous en aurions pour 2 jours, seulement dans cette serre, si vous voulez tout voir en détail. »« C'est vrai, mon bon docteur, c'est vrai, » répondit Madame Bastien. « Allons, » ajouta-t-elle en souriant et soupirant de regret, « quittons les tropiques et allons dans une autre partie du monde sans doute, car ainsi que vous le disiez, monsieur Dufour, c'est ici le pays des merveilles. »« Vous croyez plaisanter ? Eh bien, si vous êtes sage, » dit en souriant le docteur, « je vous conduirai tout à l'heure en Chine. » « En Chine, mon bon docteur, est-ce possible ?»« Certainement. Et s'il nous reste 1 quart d'heure, ma foi, nous ferons ensuite une petite pointe jusqu'en Suisse. »« Aussi en Suisse ?»« En pleine Suisse. Mais avant, nous visiterons le château. Et là, ce sera bien autre chose. »« Quoi donc encore, docteur ?»« Oh, là, ce ne seront plus des pays divers que nous parcourrons, mais les âges. Depuis l'ère gothique jusqu'au siècle de Louis XV, et le tout en 1 heure au plus. » « Je vous crois, docteur. Je suis décidé à ne plus m'étonner de rien, » répondit Madame Bastien, « car nous sommes ici dans le pays des fées. Viens-tu, Frédéric ? » et les visiteurs suivirent monsieur le chef des cultures, qui, avec une certaine suffisance narquoise, souriait à part soi de l'étonnement bourgeois des amis de monsieur Dufour. Un moment distrait de ses premiers sentiments par l'aspect saisissant de la serre chaude, Frédéric suivit sa mère d'un pas moins allègre que de coutume. Il éprouvait un serrement de cœur singulier, en pensant à la dédaigneuse indifférence du jeune marquis de Pontbriand pour ces merveilles qu'eussent fait la joie, les délices, l'attachante occupation de tant de personnes dignes d'apprécier et d'aimer ces trésors de la nature réunis à tant de frais.